Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast des Rôlistes dans la cave, un podcast enregistré par un beau jour de mois de mars, il fait bien chaud. Et je suis aujourd'hui avec Tom et Raffi. Bonjour. Salut. Pour continuer notre série sur la Horde des Contresens. Donc je vois vous m'avez préparé un petit plan là, c'est super chouette, ça m'évite de bosser, c'est bien. Il ouais, y a Tom et sa mémoire bionique qui fait tout de toute façon. Ouais, non, bah, travail. Je vous remercie bien quand même d'être aussi impliqué là-dedans parce que ça fait plaisir à voir quoi. Vous. Ouais, même on a tellement aimé jouer qu'on aime le raconter. Je remercie aussi les auditeurs qui nous laissent des commentaires ou quoi, même si pour la plupart c'est des gens que je connais pour le moment. Et c'est sympa à vous de nous écouter quand même. Et voilà. Et t'as reçu ton premier dessin aussi. Ouais, j'ai reçu mon premier dessin ouais, de John Reynolds sur Facebook. Il nous a dessiné un super Séléné Éther, très très chouette, vraiment c'était cool. Et vraiment, bah ouais, je tenais à remercier tout le monde et voire même je vais vous faire un petit cadeau, un petit spoiler en avant-première. Vas-y, on est pour du téléphone. C'est à propos de Sans Chaos. Mm-hmm. En fait, Sans Chaos... Non, désolé Romaric, désolé pour ton petit cœur, mais la dernière fois déjà, le coup de la fausse panne de micro, ça t'avait fait flipper, je pouvais pas m'empêcher de te le faire une deuxième fois. Donc non, désolé, hein, pas de spray. Déception. L'ascenseur émotionné. Ah ouais, ouais, non, en plus l'ascense chaos et tout. Ah ouais, attends, non, on est sur il va appeler tout. Non, tu peux pas faire des trucs comme ça. Non, même c'est à dur des... pour nous, quoi. Même aux participants. Désolé. Le petit troll, la dernière fois que j'en avais fait un sur le micro, Romaric avait eu très peur, il a dit dans les commentaires, il m'a dit « ne refais jamais ça !» Du coup, t'as pas pu t'en empêcher. Ouais. C'est la dernière, hein. C'est bon. Comique de répétition, ça ira une fois. Bon, voilà. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur la partie... 99, ouais, le scénario qu'ils avaient créé. Ouais, ouais. La trahison d'un debug. D'un joueur. Du personnage d'un joueur. Et voilà. Bah, du coup, après, on a enchaîné avec Ozymandias. Le scénario d'Ozymandias. Donc, on va reprendre ici. Ouais, bah, notre retour de la mission 99, ouais. Déjà, quoi. Ou est-ce que bah, on n'était pas forcément joyeux. Ouais, on venait de voir 99 partir avec Sword. Avec Ghost, pardon. Avec Ghost, oui. Pardon, excusez-moi. Avec Ghost, c'était assez perturbant pour nos personnages, quoi. Bah, on avait parlé avec Solipsis, hein, qui avait essayé de nous remonter le moral, hein, comme on disait au dernier c'est podcast. Vrai, elle était assez compréhensive et Merpool, j'ai essayé d'être maman Solipsis, de nous redonner un petit peu le sourire, tu vois. Mm. Mais bon, c'était compliqué. Mais on a commencé en faisant pas mal de social, du coup, le scénar qui suivait Ozymandias, ouais. Parce okay. que. Ah ouais, tu penses que c'est Tom, enfin tu penses que c'est à ce scénar-là que ça a commencé à virer au social plus? C'est là où on a commencé à avoir une vraie relation, la relation naissante entre Shaq et Marissa. C'est là qu'on a commencé à faire des petits trucs. Il y a eu genre la scène du premier baiser, la scène du premier baiser, je me rappelle plus de ça. Mais en fait, elle m'avait emmené, on se promenait, tu vois, et on parlait de ses recherches. Et elle me disait qu'elle bossait sur le projet Renaissance avec Solipsis. Et je lui disais, oui, mais concrètement, ça va donner quoi et tout. Et elle m'a emmené dans un coin de la base du pôle sud où ils étaient déjà en train de refaire des espèces de champs. Et tu sais, il y avait un endroit où il y avait des fleurs et tout, et on s'était allongé là. Oui, c'était des endroits pour faire des expérimentations agricoles, ouais. Sur des différents cycles agraires, pour voir l'effet des jachères, par exemple, ce genre de choses. Ouais, et du coup, on s'était posé là, on avait passé l'après-midi là, et on avait... on s'était embrassé dans les champs, quoi. On avait fait ça. C'était sympa, c'était mignon. Et c'est là où on a commencé ouais les rapprochements. Je lui disais que on nous avait déjà parlé d'une mission comme quoi il faudrait qu'on, je crois que Gladius avait déjà commencé à nous briefer comme quoi on devrait aller sur Sydney et que le prochain Sub-Zérith partirait dans un certain temps. Et il s'est avéré qu'avec Marissa on en a pas mal discuté et qu'elle me disait oui mais moi normalement je dois aussi aller à Sydney, donc ça se trouve on va y aller ensemble. Mmh. Et on avait fait pas mal de rapprochements à ce moment-là. Dans le Sub-Zérith, Et c'est là où aussi Trevor a commencé à se poser des questions quand même sur Marissa. Tu veux nous raconter ça, un film ? Parce que on avait, dans la période où est-ce qu'on a attendu pour le départ pour Sydney, j'avais organisé un barbecue. Ouais, parce que du coup, j'avais une grande maison et tout, un Fish Ward, donc on était quand même bien lotis. Et elle n'est pas venue. Oui, mais c'était, en plus, c'était le barbecue pour la naissance, pour l'arrivée de ton fils. Ouais, pour l'arrivée de Jérôme. Et du coup, elle n'était pas venue déjà à ce moment-là. Et dans le Subzeri, elle a ramené des sushis à un moment. Et c'est pareil, elle a planté Shaq sur place, genre non, j'ai pas le temps de manger ou je sais plus quoi. Et moi j'étais allé chercher Trevor. Et Shaq m'avait déjà parlé de leur premier rendez-vous où est-ce qu'elle avait commandé un verre de lait, je crois, ou un truc comme ça, et qu'elle l'avait laissé là où il était. Et toi tu commençais à avoir des suspicions et ouais, tu lui en avais parlé ? Oui, j'avais. Enfin, Trevor avait mis Shaq au courant de. Mais tu vois, c'était. Des problèmes. C'était plus Trevor qui se souciait de ça que moi. Par exemple, moi je faisais bah oui, mais bon, c'est pas trop grave quoi. Ouais, ouais, elle a peut-être des troubles du comportement alimentaire. Non, mais, je disais. Bah non, mais voilà, c'était peut-être quelque chose comme ça quoi. Ouais. Moi je me faisais pas trop de soucis. Et du coup, c'était marrant de voir que c'était Trevor qui pouvait pas trop me piffrer au début de la campagne, qui là se faisait du souci, tu vois, un peu pour. Mais avec qui il sort, attends, il se pose pas trop de questions, il est un peu bizarre. Fais attention à toi. Ouais, donc c'était marrant. Bon, après, c'était un peu la triche parce que moi je savais déjà quoi. Moi je savais que Marissa elle était problématique quoi. On verra ça. Ouais, non, mais c'était. Tu savais pourquoi ? Bah, à cause de la première table. Oui. Et tu vois, tu te doutais du coup à cause de la première table qu'elle c'était un quadrilla. Ouais. C'est pour toi, c'était gros comme le. Bah oui, moi je l'ai vu arriver de super loin. Ah, c'est vrai que le perso qui. Ah, oh, je peux pas manger avec vous. Ah, mais. Tu l'as bien, ouais. Tu l'avais déjà vu sur la lune. Moi j'étais à 100 000, hein. J'étais pas du tout dessus. Bah, tu dessinais des petits cœurs sur tes balles, quoi. Ouais, mais. Le truc, c'est que en plus, quand on part du coup pour Sydney dans le sous-marin. Avec Marissa, on commence à. Tu sais, je te dis comme ça, ouais, bah du coup, j'imagine, on fait ce qu'on a à faire et tout, et là tu me fais, bah non, il se passe rien, quoi. Hein, comment ça ? Bah ça fait plusieurs mois que tu sors avec, mais t'as toujours rien fait avec, quoi. Ah d'accord. Du coup, je me suis dans dit. Ah, ça, sexuel, quoi. Ouais, ouais, et du coup, je me suis dit, ça se trouve, c'est parce qu'il veut qu'on les joue, les scènes et tout, alors j'ai essayé, tu vois. J'y suis allé, j'ai essayé, tout ça. Les fameuses scènes de cul, dans le sens. Et du coup, tu me disais, non, mais voilà, vous faites genre les préliminaires, mais il n'y a rien de concret derrière. Et ouais. Je fais, bon, bah attends, ça se trouve, c'est juste que, voilà, elle veut prendre son temps. Mais j'étais tellement femme, gentil, en fait, Shaq, avec les femmes, quoi. Non, mais j'étais pas dessus, alors. Ouais, non, mais ouais, bah je me rappelle, bah clairement, de toute façon, je jouais comme si elle voulait simplement prendre son temps, quoi. Ouais. Mais c'est clair qu'on. Donc, si on sait pas. Si on n'a pas déjà une idée de ce qui se passe, que enfin il y avait peu de chances que Tom il commence à enfin que Shaq il commence à se douter. Parce que tu faisais bien attention à garder tes secrets en tant qu'ancien joueur. Oui, j'ai fait très attention à ça tout le long des deux bouquins que j'avais déjà joué, de toute façon à pas révéler de trucs, à essayer de les faire révéler, mais ne pas les révéler quoi. Oui. T'as beaucoup joué à ça. Il voulait me faire ouvrir les yeux et des fois c'était assez marrant parce que je me disais bah je vois où est-ce qu'il veut aller mais. Voilà, moi j'ai pas envie de suivre son chemin, je fais ce que je veux et puis. Voilà, moi je veux le découvrir à ma façon, c'était. La liberté. Ouais. Laisse-moi tranquille. On est bug ou quoi? Non, mais du coup, on a. Pour revenir plus sur le scénar, du coup, il y a Gladius qui nous dit qu'il faut qu'on aille à Sydney pour trouver un mec qui s'appelle Ozymandias. Et qu'il faut qu'on le ramène. Et qu'il faut. Ouais, qu'on le ramène. On sait pas trop, mais il a l'air de poser quelques problèmes à Sydney en fait. Et du coup, on nous envoie là-bas et on part en Subzeri. Tu nous expliques que c'est un voyage qui va prendre plusieurs semaines, donc on en profite pour. Chaque en profite avec Trevor pour renforcer leur relation. Et Trevor mène sa petite enquête en allant surveiller par exemple Marissa au boulot. Il essaye de la questionner un peu. C'est assez drôle. Jamais elle va au réfectoire quoi. Voilà, il était genre à aller au réfectoire à chaque fois pour voir s'il a croisé quoi. Et non mais c'était drôle. Oui, je le rappelle le moment où il vient te voir et dit non elle est bizarre, je l'ai jamais vue au réfectoire. Et attends, comment tu le sais? Parce que j'y suis allé tous les jours hein, toute la semaine. je suis un acharné. Ouais, le matin, le midi, le soir. Je crois que j'y passais des journées des fois, hein, de toute façon. Et t'as assisté à tous les services, t'es arrivé au premier, t'es reparté à la fin du dernier. Le psychopathe. Et moi, bah, fallait bien occuper le temps sur le subsidiaire, quoi. Mais moi, ça me travaillait pas plus que ça. Après, j'en ai parlé un peu avec elle parce que lui, ça le stressait trop. Mais voilà, elle continuait à noyer le poisson. Mais c'était. C'était franchement une bonne, un bon voyage. Je crois que c'est le moment où on a commencé à lancer le sens social, quoi. C'est le moment où est-ce qu'on... Sans ta Barbara. Ouais, c'est ça, quoi. On a commencé à faire énormément de social dans le sens à partir de là, je crois. Ouais, c'était... On a poussé le vice, là. Ouais. On verra quand on arrivera à sens mort et quand on parlera de sens néant, ça va être la fin des haricots. Grave. Ou des coquillettes. Grave. Bref, donc ouais, vous arrivez du coup jusqu'à Sydney. Ouais. Avec un des contacts de la résistance sur place qui s'appelle Saphir. Alors ça, par contre, ça je m'en souviens pas. Bah non, parce qu'en fait, oui, ça dure 2 secondes. Elle vous dit que on a vu Ozymandias sur la place. Oui, voilà. Sur la grande place. Espèce de souk là. Mais du coup, ça va être la seule mission qu'on fera à Sydney, hein, il me semble. Je vous ai jamais ramené à Sydney. Non, ouais. On n'est jamais retourné. Donc on a fait on a eu un bref aperçu de ce à quoi ressemblait du Sydney. Du clou dans la mer. C'est ça, Sydney, quoi. Ah, c'était pas ça, ouais, que t'avais dit, ouais, un clou dans la mer. Ouais, on peut le décrire comme ça. Ouais. Un clou dans la mer. Et moi, j'avais une image de Sydney, tu vois, une espèce de, pas un bidonville, mais tu vois, plein de petites maisons, pas du tout comme au Pôle Sud, tu vois, où c'est des grandes tours, comme on l'expliquait dans le premier podcast. Là, c'était plus des petites maisons avec des petites ruelles et tout, puisqu'il va y avoir une scène de course-poursuite où tu nous expliques, bah, vous tournez à droite, puis à gauche. Bah, je la vois vraiment comme une ville de FF10, moi, avec de la flotte sur les côtés, des étages au-dessus. Ouais, moi aussi, assez les uns sur les autres. Ouais, je crois que c'est Lucas qui s'appelle. Okay, ah, la ville de Lucas. Ouais. Enfin bon, bref, on va arrêter de parler de FF10 dans les podcasts sur son. Mais on va contaminer la cellule aussi. Bref. Mais on se rend. C'est vrai qu'il y a un design assez chouette à Sydney. Bon, on voit vite fait la ville, hein, du coup. Mm. Mais on se rend très vite sur la place et on a très vite repéré qui était Ozymandias. Quoi, il était pas discret ? Bah, t'arrives sur la place comme ça et là t'entends un espèce de gars qui monte sur une espèce de. Je sais pas, une statue, un truc ouais, comme statue, ça. Genre mémorial, et il fait Je suis Ozymandias, roi des rois. Et contemple mon œuvre, tout puissant et désespère. Tout à fait. Et là tu vois. Je sais pas, des mecs de l'Omicron, je crois, qui arrivent et qui veulent le choper. Enfin, ou pas civil, d'ailleurs. Et lui qui tente de se barrer, alors la course-poursuite dans Sydney, à le suivre. Course-poursuite, faut quand même savoir que Shaq, la première chose qu'il a fait, c'est sauter sur les gens de l'Omicron. Il a gagné du temps. On peut voir ça comme ça, quoi. Et t'avais Trevor qui était comme ça, en mode « Mais t'es con, c'est pas eux qu'il faut défoncer, c'est lui qu'il faut rattraper, alors lâche-les !» Mais c'était assez drôle. Mais on le rattrape assez vite. Je crois que de souvenir, t'as essayé de le porter. Ouais, je l'ai attrapé, j'ai essayé de le soulever et ça a été l'échec, quoi. Sérieux ? Ouais. Ouais. Il était lourd ? Ouais, très lourd. Et on s'est demandé pourquoi. Mais en tout cas, on a parlé avec lui. On a réussi à semer les gars de l'Omicron, quoi. Et puis on s'est retrouvé tranquille de toute façon. Donc... On s'est retrouvé avec lui après dans une espèce de cahute. Et il nous dit qu'il recherche la fin d'un poème. Qui recherche, voilà, qu'il a un poème en tête, mais qui trouve pas la fin. Il vous dit qu'il est Dieu, je crois. Ouais, non, mais il psychote, hein, un truc de fou. Il a pas toute sa mémoire, mais il se prend pour Dieu. Il faut qu'il retrouve la fin du poème. C'est... J'en profite pour rendre à César, encore une fois. C'est pas un scénario du bouquin, c'est un scénario de Adrien, qui est disponible, encore une fois, sur le site de Sens, sous le nom Ozymandias, je crois. Ah d'accord, c'est pas de... Non, mais c'est un scénar qui est tellement bien que je crois que quasiment tous les MJ maintenant mélangent le scénar d'Ozymandias avec l'épreuve des fringés. D'accord. Ouais, parce qu'on l'avait déjà fait sur la première table. Bah ouais, déjà à l'époque. Ah, mais ça donne bien en plus, hein. Ça te permet de... Ça permet de remplir un peu plus l'épreuve des fringés qui est... Disons qu'il faut... Il y a moyen d'en faire quelque chose d'hyper palpitant et tout, mais je... Elle est vraiment très très creuse dans le bouquin. Et on va y venir. Bah, sur ce, Ozymandias nous dit que il a des pistes sur le poème qu'il cherche. Ouais, il y en a que... une à Londres, une au Caire. Et une. Je sais plus où. Je sais plus, c'est pas très important. Mais vous avez choisi laquelle direct du, on était au Caire, parce que c'était plus proche. Mais en fait, au début, on n'était pas pour l'accompagner. On lui disait qu'on voulait le ramener au pôle sud. Et lui, il dit non, je viendrai pas au pôle sud tant que j'aurai pas la fin de mon poème, quoi. Donc en fait, on était. Bon, bah, en gros. Voilà. Façon, c'était sur le chemin, quoi. Il y avait moyen de faire un petit détour, mais. Pour aller au pôle sud, de toute façon. Pour aller au pôle sud, l'Australie c'est là, le pôle sud c'est là, le Caire c'est là. Ça fait un détour quoi. Ouais, ça fait un gros détour. Fallait bien lui faire plaisir. Mais pour la petite histoire, sur ma première table, qui attend Cosmo elle aussi maintenant, les joueurs s'étaient dit tant qu'à faire tout le chemin, on va d'abord passer par Londres. Ah d'accord. Et à Londres, donc on se tape un petit quadrilla sympathique. Qui garde la grande bibliothèque de Londres parce qu'il y a des trucs là-bas qui. C'est ça qu'on aurait dû faire. Parce qu'il y a des bouquins là-bas un peu et tout. Et les gars, ils étaient tombés sur un exemplaire, une des premières impressions de la Bible. Il y a un des joueurs qui joue un analphabète qui. Oh, la Bible, je prends. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Bref, il l'avait revendu sur Séléné, il s'était fait un max de blé. Après, il dilapidait son pognon dans les casinos. C'était un peu n'importe quoi, mais passons. Nous on s'est retrouvé au Caire quoi. Ouais. Avec. Le Caire avec les pyramides sous l'eau du coup. Ouais. Hein, parce que quand tu prends le Subzéride, tu nous expliques, vous passez en Subzéride et vous voyez des espèces de montagnes sous l'eau. Faites de pierre. Ouais, et tout. Et en vous rapprochant, vous apercevez que ce sont les pyramides. Ouais. Et on est descendu, je crois, on est descendu du Subzéride, on y allait à la marche. Tu étais tout seul, il me semble. Je suis resté avec Ozymandias. Peut-être bien. Si t'es resté avec, je suis resté avec Ozymandias et tu nous as trouvé le poème en fait et t'as lu la fin du poème. Oui, c'est ça. C'est ça parce que j'ai trouvé la. La fresque aussi. Toi, Tom, avec. Ozymandias, il a commencé à se passer. Il a commencé à péter un plomb. Donc il a dit qu'il avait fini son protocole. Voilà, il fait que ça. Que le poème était bel et bien le meilleur de la création. Ouais, c'est celui qu'il préférait. C'est bien le poème que je préfère et tout. Du coup, passage à l'étape suivante. Je dois trouver la résistance. Je dois détruire la résistance. Et là, il me regarde et bim. un grand direct dans mes dents. Et là j'ai fait oh. Mais sur le moment tu vois quand je l'entends changer de programme et tout, je fais oh pas cool. Et il est pas là, Trevor il est pas là. Et bim. Du coup patate dans ta face. Ouais. Du coup je crois que je suis sorti du sous-marin. Au final on a fait péter le sous-marin. Et on a acheté des grenades dedans alors qu'il y avait encore Ozymandias dedans. Et on a tout fait péter. Et après, je crois que j'ai transpercé Ozymandias avec l'épée et tu sais, je me suis trimballé avec lui, planté sur mon épée pendant un moment. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il saignait pas. C'était un liquide noir qui sortait. Et du coup, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors, on s'est dit, il faudra en parler. C'est pour ça que je voulais garder Ozymandias, du coup, pour le ramener à Solipsis et qu'il puisse nous parler de ça. Du coup, nous v'là perdu en plein milieu de la mer, en plein milieu de l'océan. Sans sous-marin, sur une plateforme, comme ça, on était comme deux couillons. Et là, il y a eu un pédalo qui est arrivé. Un pédalo bleu avec un bruit de TARDIS, pour ceux qui connaissent. TARDIS de Doctor Who, le bruit là. Et là, il y a Classis qui est arrivé et qui. Genre. Qui nous a tapé la discute pendant. Pendant un moment. Quoi. 5 bonnes minutes. Et puis après on est parti. On est parti parce qu'on a on a trouvé un signal ou un truc comme ça pour trouver les fragiles, parce que du coup les fragiles on les trouve avant d'aller. On les trouve sur le chemin, parce qu'après je me souviens. Je crois que c'est Ulysse qui vous contacte pour vous dire. Oui, qu'on doit se retrouver à tel point. Il y a un signal de détresse ou un truc comme ça qui mène un truc et qu'il faut que vous y alliez. Cassis, vous avez dit quoi en gros, vous en souvenez? Qu'on avait l'air de deux couillons sur notre îlot. Que non pas grand chose. Qu'il allait pas nous emmener, que les renforts allaient pas tarder, donc voilà, il se faisait pas de soucis pour nous, mais en gros, il était là pour nous faire passer le temps, quoi, plus que pour nous aider. Mais on s'est rendu. Après, on a marché au fond de l'eau, ouais. Avec nos armures, parce que ça passe que. C'est étanche. Pour se rendre du coup au point que Solipsis nous avait indiqué, quoi. Donc là, vous tombez sur ces fameuses petites billes. Deux petites billes qui commencent à écrire des trucs dans le sable. En fait, non, c'est même pas ça, ça dessine tout seul dans le sable. Mais vous tombez d'abord sur les billes. C'est pas les billes qui. Vous tombez d'abord sur les dessins étranges, et où tous les points d'exclamation, les points sur les i, enfin, c'est, sont des petites billes et toujours par deux. Et là, il commence à nous parler, nous sommes les fragiles. Nous sommes. Nous appelons Fluvius. Toujours en nous. Il voulait qu'on les amène à Solipsis ou un truc comme ça, il me semble. Ouais, c'est ce qu'il voulait. Du coup, on les a emmenés avec nous. Ouais, ils nous ont suivis, quoi. Ils nous ont suivis. Donc on avait un espèce de tas de billes. Ils vous avaient ramené avec de la flotte. Ils avaient... Ouais, bah, de toute façon, on était au fond de l'eau. On était au fond de l'eau, donc. De toute façon, on était au fond de l'eau. Mais il me semble que c'est eux qui vous ont remonté, non? En utilisant justement leur contrôle. Ou peut-être. Enfin bon. Non, je suis pas sûr parce que je crois qu'on avait encore du chemin à faire. Donc on, Bah non, parce qu'au final, après, vous remontez sur un des bâtiments. Oui, après, on finit sur un bâtiment et on vient nous chercher. Voilà, ouais. Solipsis finit par venir nous chercher à part d'un. Par espèce de vaisseau. Par contre, pour revenir un peu sur ce qu'on a découvert au Caire, il me semble qu'on a découvert des bas-reliefs qui nous parlaient des sept entrailles. Ouais. Ah, j'ai insisté pour aller à Londres après, mais on n'a jamais pu y aller. Et il me semble qu'il y avait des bas-reliefs. Ça aurait pu être un scénar solo. Il y avait des bas-reliefs qui parlaient des sept entrailles. Je crois qu'ils vénéraient une espèce de dieu qui s'appelait Sens ou un truc comme ça. C'était pas ça qui était marqué dans les bas-reliefs. J'avais peut-être mis quelques trucs. Enfin, il y avait des descriptions dessous. Ouais. Et qui parlait éventuellement d'une divinité qui s'appelait Sens ou. Mais ça, c'était vraiment trois photos. Et, c'était très vague. C'était juste trois indices, quoi. C'était une pièce qu'on leur avait ramenée de Mars, qu'ils avaient dû obtenir à prix d'or. Avec une vague description de trois lignes dessous, quoi. Mais voilà, on avait déjà. Mais c'est parce que le reste du bas-relief ou je sais pas quoi était à Londres en fait. Ah, j'avais fait toute une mini-quête en fait, je m'en rappelais même plus. Il y avait un truc comme ça où est-ce que le reste, si on voulait voir le reste de la fresque, puisqu'il y avait une espèce de fresque murale avec, et il fallait aller à Londres. Quoi. Et on n'a jamais pu y aller. Je me rappelle sincèrement pas de ce que je comptais vous raconter si vous le trouviez. je pense que c'était du teasing pour s'en souvenir. Bon voilà, hein, finalement ça c'est donc le scénario Ozymandias fragile qui est un peu. Disons qu'heureusement qu'il y a Ozymandias pour ajouter du peps. Quoi. Moi j'ai trouvé que c'était passé tranquille. Visiter le Caire, parce qu'on y reste un moment quand même à faire le tour des pyramides, enfin tout le passage où est-ce que je fais le tour des pyramides est quand même assez long et c'était quand même super sympa de voir le Caire comme ça. Quoi. Franchement, puis c'était fun pour le perso, quoi, pour Trevor, c'était. Franchement, visiter les pyramides. Quoi. C'est le niveau aquatique nécessaire dans tout jeu vidéo. C'est ça. C'est ça. Mais c'est une mauvaise idée d'ailleurs. Il me semble qu'à la fin du scénar, du coup, on rentre pas au pôle sud. Et oui. Non. C'est ça. Oui. Alors ça, pour moi, c'est le point le plus important de ce scénar finalement, c'est qu'on apprend l'existence d'Aqua City. Parce que c'est ça. En fait, quand il nous récupère, Odouzabed. Au-dessus de l'eau. En nous disant que c'est là qu'on s'arrête. Et qu'il va falloir plonger plus ou moins. Et on voit une espèce de ville dans une bulle, un truc énorme, parce que le genre de ville qu'on n'a jamais vu, ça dénote vachement par rapport au pôle sud ou à Sydney, puisque tu peux voir au travers de la sphère, tu vois toute la ville et tout, mais ça a vraiment l'air immense, et c'est une technologie qu'on n'a pas encore, qu'on connaît pas. Ça fait tout neuf, quoi. C'est tout beau, les bâtiments sont avec des formes très arrondies... Et on arrive là et on est accueillis comme des héros. Les tueurs de Kadria, T'avais fait ça bien, t'avais fait. Chaque il a bien profité. Ouais, t'avais fait ça bien parce que t'avais fait genre on est accueillis, il y a un petit enfant qui se pointe comme ça et qui me pose une question. C'est vrai que t'as tué plus de 100 Kadria et tout. Et là, je lui réponds pas vraiment, mais je le mets sur mes épaules, je le porte devant la foule comme ça et je fais ouais. On s'est trop joué en arrivant à Aqua City. Franchement, c'était trop. C'était énorme. Bah là, pour le coup, on était des héros. Quoi. Enfin... Ah, on les sent, les fans de sport américains. Ouais, grave. Non, mais c'était cool. Ça donnait vraiment une ambiance de mise en scène et tout. En plus, faut savoir que le gamin qui vient te demander si t'as tué plus de 100 Kadria, est-ce que c'est vrai et tout, c'est dans le bouquin. Je l'ai pas inventé. Et vu que toi, tu voulais te surnommer les tueurs de Kadria, ça rendait le truc. Genre cohérence, genre la rumeur avait précédé. Non mais c'était trop bien. Moi j'étais trop à fond, j'ai fait oh putain, tu te rends compte, on est connus par delà les océans, quoi, mon gars. Bah Trevor le vivait pas très bien, quoi. C'était rappelé le tueur de Kadria, c'était pas son truc. Ouais, t'as quand même levé les bras. Bah ouais. J'ai profité du moment, quoi. Putain, on n'est pas accueillis comme des héros tous les jours, quoi. Mais je crois la première chose qui nous a choqué en arrivant à Aqua City, c'est la personne qui était suspendue au-dessus de l'église, quoi. Parce que c'est l'une des premières choses que tu décris en fait quand on arrive à Aqua City. Ouais, qui surplombe de toute façon. Bah, oui, on la voit quasiment partout, n'importe où dans Aqua City, on peut la voir, c'est Azilis. Ouais. Qui est suspendue à des dizaines de câbles, comme tu nous dis, qui sont reliés à elle. Elle est après la forêt, genre il y a une espèce de forêt au milieu d'Aqua City, elle surplombe la forêt. Il y a les cathédrales. D'ailleurs, petite parenthèse, félicite encore Morgan pour sa rap battle Azilis versus Azilis. J'avoue. Eh, t'as vendu du rêve. Ah ouais, non mais ouais. Pas vous ? Si. Ah si, c'était bon. Si, si. C'était très bon. Bon, donc là, j'en suis des discussions avec Ganymède, tout ça. On vous laisse quelques jours pour vous préparer avant de rencontrer Solipsis. Ouais, on nous dit qu'on va avoir une rencontre avec Solipsis. Hein. Ouais, du coup, ça moi, fait je un peu émission de télé-réalité, c'est 24 heures avec Solipsis. Et du coup, avant ça, du coup, on a eu les quelques jours. Ouais. Et du coup, moi j'ai passé pas mal de temps à contempler Azilis, du coup j'ai eu... Alors, fascination. Ah ouais, non mais depuis ma première table, de toute façon, Azilis suspendu au-dessus de sa cathédrale, ça me donne tellement de peine, quoi. Je la plains tellement. Et Classis, du coup, vient avec sa chaise longue pour venir contempler Azilis aussi. On passe des moments à discuter, des fois à rien dire en fait, juste à regarder Azilis. Alors, on a la révélation que c'est plus ou moins sa femme à ce moment-là. Quand on discute, quand lui et moi d'Azilis, il me dit que du coup, il fait ce qu'il peut, quoi. Qu'elle est là pour recevoir des soins, pour comprendre ce qui lui arrive, et que c'est sa femme. Plus ou moins. Ah, moi, j'étais pas du tout dans la même optique, hein. Par contre, Aqua City, j'ai découvert, et en plus, il y avait Marissa. Alors, je sais pas ce qu'elle faisait là, mais elle était là, encore. Alors du coup, ah bah t'es là et tout. Oui, oui, j'ai emménagé par là. Alors on a commencé à visiter Aqua City tous les deux, à se promener. On a entendu parler de rumeurs aussi, comme quoi il y avait plein de mystères autour d'Aqua City, parce qu'il y avait Azilis, il y avait aussi l'histoire qu'il y avait un fantôme qui traînait plus ou moins dans la ville. Et c'est ce que tu m'as fait remarquer un soir, tu me fais ouais bah là pendant que tu te promènes dans la soirée, tu vois qu'en contrebas de là où t'habites à peu près, il y a une espèce de petite place et que tu vois quelqu'un s'entraîner, quoi. C'était sur la place d'entraînement, enfin de la base militaire. Et tu me dis tu vois quelqu'un qui s'entraîne dans l'ombre et tout. Et alors moi j'y vais comme ça, je fais vas-y, je vais essayer de voir qui c'est et tout. Et là tu me fais bah quand t'arrives il est plus là, quoi. Du coup ça a été... J'ai essayé, hein, je voulais limite passer par l'ombre monde, essayer, tu vois, le surprendre et tout. Pas moyen de savoir qui c'était, hein. J'ai appris bien plus tard qui c'était. Je l'ai su, je crois que c'est dans Néant, de toute façon, que j'ai compris qui c'était. Ah ouais, moi, il m'a fallu longtemps pour comprendre qui c'était. Ah ouais. Mais du coup, c'était bien drôle, parce que, on en a profité, mais... ça avait l'air vraiment chouette, Aqua City, moi c'était une ville qui me plaisait bien au niveau de l'ambiance et tout. Il y avait Marissa qui commençait à t'apprendre à lire. Oh, ça c'était avant déjà du pôle sud, mais genre elle m'avait demandé si j'avais lu le bouquin que j'avais emprunté au bibliothécaire, j'ai fait non, du coup non en fait, Moby Dick je l'ai pas lu. Et tu vois, t'aurais dû prendre Le Petit Prince, ouais mais non en fait. Maintenant je suis une resta, c'est vraiment... Les héros, ils ont pas besoin de lire. Mais après, ouais, entretien avec Solipsis, qui a été... plutôt fructueux pour une fois. Ouais, pour une fois, ouais, c'était C'est cool. Bien le seul moment où elle est fructueuse, quoi. Alors ouais, ces fameuses 24 heures avec Solipsis, comme je les appelle. On a pu aborder plein de sujets, quoi. Elle nous a appris, oui, que c'était de la métallite, du coup. Et elle nous en a dit un peu plus là-dessus, que c'était... plus ou moins, alors je sais plus si c'est Willemsen qui est derrière la métallite. Non, c'est Kadria. Ouais, je crois c'est Kadria, qui est derrière Kadria la métallite. Père. Kadria père qui a développé ce métal à une période et que les recherches ont été abandonnées, que ça a été considéré comme dangereux ou je sais pas qu'elles ont été abandonnées. C'était pas bien. Et du coup, nous on part du postulat que c'est sûrement Miphos qui a repris les recherches de son père et qui a peaufiné le tout. Ouais. Mais après, on lui pose quelques questions aussi sur cette ville qu'est Aqua City, sur par exemple la sphère. Elle nous explique que c'est de la Veria. Elle nous parle aussi un peu d'Azilis, qui nous dit que... Créateur du... création du professeur Chozo. Un des premiers... c'était des chercheurs indiens. Oui, c'est ce que tu nous as dit, que c'était une invention indienne. Ouais, c'est Chozo qui a inventé ça. Mais... elle nous raconte aussi un peu sur Azilis. Elle nous dit qu'elle a perdu tous ses sens, mais ouais, qu'elle est encore vivante. Donc ils essayent de... Voilà, qu'elle a aucun contact avec le monde extérieur, du coup, qu'elle ressent pas le monde extérieur, mais ouais, qu'on sait pas si elle est encore présente. Voilà, elle essaye de lui rendre l'intégralité de ses sens, quoi. C'est le moment où Trevor, il se dit, bah, j'espère qu'il y a plus personne dans la tête, quoi, parce que coupée du monde toute seule depuis X années, ça doit pas être cool, quoi. Ouais, moi j'essayais trop aussi de me mettre à sa place, de me dire, putain, mais alors, t'imagines, il te reste quoi? Bah, il reste... ta créa dans ta tête, bah, avec un peu de chance. Et c'est là où on a c'est là aussi où on a commencé à se dire, bah, c'est peut-être Azilis, la rune de créa ou la rune de néant. On savait pas trop, tu vois, on n'arrivait pas trop à se dire. À déterminer. Parce que c'est là aussi où on commence à faire à Aqua City, c'est là où on entend plus. Commence bah, à entendre parler du déterminisme amoureux entre les runes. Bah, c'est celui-ci, hein, quand on lui demande, quand on commence à vouloir parler d'incarnation personnelle de runes. Qu'elle serait plutôt la vie, ouais, que Wilfried serait plutôt le chaos. Ça, c'est après qu'elle le dit. Après la... C'est pas à ce moment-là quand on aborde le sujet des incarnations? Alors peut-être que je l'ai dit un peu plus tôt, parce que toi tu me poussais au cul, c'est pas impossible. Mais normalement elle l'aborde dans la réunion qui suit la bataille. Ouais, ouais. Bon, enfin bref, ouais, de toute façon sur cette journée de 24 heures avec Solipsis, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire qui ne soit pas dans les bouquins. Ouais, oui, mais dans un sens, elle est agréable cette journée, parce que elle répond pas souvent à tes questions, et là elle y répond. Elle répond à tout, quoi. Et du coup... Elle se rend plus sympathique envers les bugs, tu vois. Je crois que c'est la seule journée où je l'aime. Tout le reste de temps, j'ai envie de la baffer. C'est quand même un moment important, parce que du coup, elle fait, voilà, ça fait un peu, on est parti du mauvais pied. Maintenant, voilà, j'avoue que j'ai pas forcément raison sur toute la ligne. Je peux vous donner des infos, quoi. Voilà. Mais du coup, ça reste un moment sympathique. Il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment pousser à ce qu'elle réponde au maximum de trucs possibles. Pousser les joueurs aussi à poser des questions. Même à la limite, qu'elle puisse répondre à la limite à des questions que tu penses pas à poser. Par exemple, nous on ramène les fragiles et on n'a pas pensé à lui poser de questions sur les fragiles. Ouais. Tu nous l'as dit hors partie. Et à mon avis, c'est possible qu'ils disent au fait, on a récupéré les fragiles. Tu sais, pour te relancer sur les. Bah, en fait, c'est que je. Je sais plus, bah oui, parce qu'après devait y arriver la bataille. Ouais. Et du coup, comme on avait déjà passé pas mal de temps avec la discussion avec Solipsis, je me suis dit que j'allais pas non plus lire toutes les révélations. Et puis. On a vu ce qu'on voulait, enfin, ce qui nous intéressait, voilà. Sur le moment, elle avait répondu à toutes nos questions qu'on se posait réellement sur ce moment-là. Quoi. Puis les infos, si vous vouliez les avoir, il suffisait d'aller parler à un fragile. Ouais. Mais moi j'ai bien aimé ce moment. C'est un moment utile, quoi. Ouais, c'est un moment qu'il faut, je pense. Vraiment, parce que. Après ces 24 heures avec Solipsis, il se passe quoi du coup? C'est là qu'elle vous dit qu'il va y avoir une réunion du conseil bientôt. Ouais. Ouais, que dans 2-3 ouais. jours. À celle-là, vous étiez pas convié, il me semble. De base, on n'est pas convié. Ouais, bah ouais, parce que. C'est ça, le conseil va se réunir et tout, on verra. Alors, il me semble. Je suis pas sûr, mais qu'on croise Wilfried aussi sur Aqua City. Je suis pas sûr. Oui, si, vous si le croisez vite fait. Ouais. On doit le croiser vite fait parce qu'il doit. C'est ça. On voit les membres. On voit, en fait, après cette réunion, on voit les membres du conseil arriver à Aqua City avec Michel Cetra qui descend du bateau, Wilfried et tout. Il y a Gladius. Wilfried est venu pour une fois. Après, on sait pas s'il va assister à la réunion, mais on sait qu'il est venu, quoi. Et donc on voit Maria arriver, on les voit tous. On a ce petit, tu vois, ce petit côté, ça fait débarquement très solennel, hein, tu vois, avec les gens qui sont venus aussi pour les accueillir. Parce qu'en fait, on est là, la réunion qu'ils doivent faire, c'est pour baptiser, reconnaître officiellement l'existence d'Aqua City, il me semble. Oui, ils doivent la révéler au pôle sud. On doit. Il me semble que j'ai dû caler un truc comme ça. C'est ça qui nous dit, nous, qu'on va enfin pouvoir montrer au pôle sud que. On a construit d'autres villes, qu'on est en train de repeupler la Terre un peu de partout, et que voilà, c'est officialisé Aqua City. C'était ça, c'est pour ça qu'ils voulaient vraiment que tout le conseil soit là. C'était censé être un moment très important. Et là, c'est le drame. On est plus ensemble à ce moment-là, on est parti faire nos trucs chacun de notre côté sur la fin de la journée, et là, il y a une attaque, quoi, sur Aqua City. 4 quadrilles. Si, et quatre. Encore quand tu dis 4, c'est si, beaucoup 4, plus. Ah, non, il y en a moi je me souviens plus. De 4 parce que moi je suis là, je vois papa arriver, quoi. Ah oui, mais toi c'est parce que toi de ton côté il y en avait plusieurs en fait. Ouais, c'était sur deux fronts parce que toi t'étais avec Gladius, tu t'es retrouvé avec Gladius, Wilfried et tout. Et moi je me suis retrouvé, je voulais les rejoindre et là en coupant à travers champ, il me fait là tu vois 5 quadrilles. et c'est Météor qui a leur tête. Et là, j'ai fait bon. T'es au milieu des bois, non, à ce moment-là. Où je passais derrière les maisons, je sais plus, mais non, c'est après qu'on est au milieu, qu'on est au milieu des bois. D'accord. Mais là, il y a Météor et 5 quadrillards, et je fais merde. Je vais faire comment, quoi. Et là, il y a Météor qui fait un peu son kéké, du genre, non, mais c'est bon, quoi. Il fait aux autres quadrillas. Allez-y, donc tes 4 autres quadrillas se barrent et tu te retrouves seul face à Météor. Ouais, face à Météor. Et alors, là, toi, Rafi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais? On se battait. Aux côtés de Gladius. Oui, de Gladius et ouais, tout ça. La grosse fête, quoi. C'était bon. Moi, j'ai pris trop cher, hein, parce que je me suis fait. À un moment, je me souviens, je me suis retrouvé écarté du groupe. Envolé. Ouais, je me suis retrouvé à suivre un quadrilla à travers les rues d'Aqua City, quoi. Ça a mal fini. J'ai pris très cher. Et moi, je me retrouve en face de Météor. Et en fait, ce qui était beau là dans ce moment, c'est que tu vois, c'était un gars. La dernière fois, c'était Trevor qui voulait pas que je me le fasse parce qu'il m'avait dit, ouais, non, il a l'air balèze et tout. Et moi, j'avais une grosse envie de me le friter là à ce moment-là. Et on s'est regardé, tu vois, tous les deux, et il y en a aucun qui a déclenché le combat. Tu vois, on s'est observé. Ouais, Météor, il s'est posé devant toi, il n'a pas bougé. En fait. Et il n'a rien dit tant que tu disais rien. Ouais, et on a attendu de voir, tu vois, ce que l'autre avait fait. Là, je lui ai fait, mais qu'est-ce que vous faites là et tout, pourquoi vous êtes venu? J'ai commencé à l'interroger. Fait, t'inquiète, c'est pas tes affaires et tout, on est venu chercher quelqu'un. Du coup, je lui ai fait, non, mais vous êtes venu chercher qui? Tu vois, il veut pas trop en révéler. Alors, je suis toujours en train de me tâter. Est-ce que je lui botte le cul maintenant? Parce que, tu vois, à ce moment-là, je me sentais vraiment capable de lui botter le cul, tu vois. Mais, tu vois, c'était, je me sentais capable de lui botter le cul et je me disais aussi, il peut me le botter, tu vois. Donc, on était... du coup, on s'est pas frité. On a juste parlé jusqu'à ce qu'on entende... De l'autre côté de la baston, donc de l'autre côté à toi, côté Rafi, le fameux passage où... T'apprends que... Gladius va pour... Kranisten, pardon, va pour... attaquer Wilfried. Et Gladius s'interpose. C'est ça. Et du coup, Gladius meurt... L'horreur, quoi. L'horreur. Et du coup, là, j'ai Météor qui s'envole, tous les quadrillas qui se barrent, et là, je fais putain. Donc je retourne sur la place, je vois... Moi je suis arrivé en volant parce qu'avec les ailes qui avaient sur mon arrière, j'avais donné un coup, j'avais sauté, je sais plus comment je me suis débrouillé, mais d'une façon ou d'une autre je me suis envolé pour arriver sur la place. Et Là c'est le drame. Prendre le dernier soupir de Gladius. Gladius qui, on le rappelle, était ton... Mon père adoptif. Dans cette campagne. Ouais. Et là, de toute façon, j'avais créé mon personnage pour qu'à ce moment-là précis, ils le vivent mal. C'est sadique. Bah non, mais c'était un passage sur... Quand tu vas devenir MJ de sens, toi, tu vas être une tête. Sur ma première table, on avait très très très mal vécu ce passage-là. Et ça avait été tellement important qu'il fallait que, quand on arrive à ce passage-là, mon perso le vive très mal. Tu voulais pas que ce soit minimisé. Ouais, je voulais pas, quoi. Et du coup, ça l'a pas été, quoi. Parce que même une deuxième fois, ça a été dur, quoi. Ah ouais, non, mais même pour moi, hein, qui était moins lié à Gladius que lui, moi, c'était terrible aussi. Hein. J'ai trouvé ça très dur. La mort de Gladius, à ce moment-là, surtout pour... quand tu vas apprendre ce qui va se passer, en plus, dans la suite. Il y a Wilfried qui s'énerve à ce moment-là, Ah oui, non, ça part... Je crois que c'est Ganymède, ou non, c'est Chrysaor Orion qui... Ah non, c'est Michel Cetra qui lui dit, non, mais calme-toi, Wilfried, t'as rien à dire. Rien à dire. On vous a donné une place au conseil pendant X temps, vous n'êtes jamais venu, etc. C'est pas maintenant qu'il faut se plaindre. Et du coup, tout de suite, réunion de crise, réunion du conseil, quoi. Ouais, c'était tout de suite. Non, c'était dans les jours qu'on suit. Ouais, dans les jours qu'on suit. Je crois qu'on a eu l'enterrement d'abord. Il y a eu l'enterrement. Ouais. Et il y a eu la scène dans les bois. Non, la scène dans les bois, c'est après. C'est juste après. C'est à la toute fin. D'accord. C'est la toute fin du. C'est le dernier truc qu'on a fait. D'accord, donc il y a l'enterrement. Il y a l'enterrement. C'est l'enterrement de Gladius. C'est l'enterrement de Gladius, quoi. C'est le moment où on prend tous une cuite, quoi. Grosse cuite. Grosse méga cuite, quoi. Grosse méga cuite de Trevor. Il me semble que Solipsis a un petit mot pour lui. Non, mais il y a Laura, de toute façon, qui... Que Solipsis a un petit mot pour Gladius à l'enterrement, oui, et tout, qu'on fait ça bien, c'est très solennel, très triste. On sait qu'on a perdu quelqu'un d'important, tout le monde en est conscient. Ouais. Tu dis Laura, mais ouais, Laura, ta femme, du coup, qui était elle aussi arrivée à Aqua City, du coup, membre du conseil. Et du coup, heureusement, quoi, parce que du coup, mon personnage, il aurait sombré, je crois, si... s'il n'y avait pas eu femme et enfant sur place, quoi. Ouais. Donc là, après, il y a cette fameuse réunion du conseil. Et là, conseil. Terrible, la réunion du conseil. Et on est invité. Ouais. On vient là. On est Il faut que tu viennes. Alors déjà, là, on était contents parce que nous, ça faisait un moment qu'on voulait assister à une réunion du conseil. Dès les premières parties, on s'était dit, vu que Vigone et Méo, il est plus là et tout, il y a moyen de prendre une place. On avait même demandé à Maria, tu sais, comment ça se passait, s'ils allaient élire quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. Mais là, on allait au conseil, on était invité super bien, on s'est dit, oh, ça va être trop bien et tout, faut qu'on y aille. Mais du coup, non. Le sale moment, quoi. Ah ouais, pour vous, c'est le moment à malaise ? Bah, en fait. Bon, déjà, Save 6 arrive et. Révèle son grand secret, ouais. Celui dont tout le monde se balance. On est bien d'accord. Moi j'ai fait deux tables et deux fois on s'en foutait totalement. Ouais, mais, deux fois. Dis-toi, ça m'a tellement marqué que j'ai fait mon plan et que j'ai oublié de marquer que c'était à ce moment-là qu'elle révèle qu'elle était une femme, quoi. Est-ce que j'en pouvais. Mais j'ai même fait un mème, hein, sur le sujet, je sais pas si vous l'avez vu sur Denis, dans Jurassic Park. Regardez tous. Tout le monde s'en fout. Grave. Ah ouais, non, sur le moment, c'est tellement minime comme révélation après la mort de Gladius que. Et puis la révélation qui suit, quoi. Et après, tu vois un éclopé qui sort là, comme ça, avec ses béquilles et tout. Et là, on t'explique que c'est Philandfinger. Et qu'il est pas mort. Philandfinger. Le corps de Philandfinger est ici, jeune dame. Et là, Maria, les larmes aux yeux. Ouais, oh mon dieu, non, mais, il est vivant! Bah, c'est là qu'on apprend Solipsis, Landfinger, les enfants! On apprend que Wilfried est le fils de Solipsis et Philandfinger, donc qu'il était le frère de Gladius! Frère de petit Gladius! Donc, mon tonton! Donc, son tonton! Alors, ça a été l'horreur, quoi! Ça, c'est le truc que j'avais pas prévu! Tu es le neveu de Gladius! Non, de Wilfried! Neveu de Wilfried! Ça, c'est le truc que j'avais pas prévu à la création de personnage! Parce que toi t'avais vu que les trucs classe. Ah bah moi je savais pour Philandfinger, Solipsis, Maria, Gladius, c'était trop la fête, j'étais trop bien posé. Et là j'ai compris. T'es le neveu de Wilfried. Et là j'ai eu une envie de me pendre. Disons que toi t'as toujours eu un souci avec Wilfried. Ah ouais non mais Wilfried quoi. Wilfried quoi. Mais du coup assez grosse engueulade au conseil. Ouais bah parce prise que, de tête hein, parce que Gladius est mort. Ouais parce que Gladius est mort. Pourquoi Philandfinger s'est pas manifesté plus tôt? Il aurait pu faire quelque chose pour empêcher la mort de Gladius. Il en a pris plein sa gueule hein, je crois. De toute façon les immortels ils ont pris plein. Mais c'est surtout qu'en plus c'était drôle parce que maintenant qu'on le connaît mieux tu vois le Philandfinger. À ce moment-là, je suis pas sûr que je me serais permis de lui parler comme ça, tu vois, en sachant de quoi elle est capable et tout, parce que tu sais, on sait que c'est on pense que c'est plus ou moins l'incarnation de la Reine de Mort, et là, on lui tombe sur la gueule, quoi. On lui fait, non, mais t'es vraiment un salaud et tout. Pareil, ah, il y a Synopsis, que, voilà, là, on n'avait pas peur, quoi. Après, quand on arrive au conseil, on pose nos couilles sur la tête. Bah ouais, non, on vous a pas invité, du coup. Non. Mais ouais, il y a eu des engueulades, hein. Il y a eu des grosses engueulades parce que c'était. Il y a la divergence entre Solipsis et Orion sur Orion qui dit mais les incarnations personnelles c'est une théorie qui vaut rien. Qui c'est pas là aussi où il dit on s'en fout du combat idéologique machin tout ouais, ça. Ouais il dit que le combat idéologique est déjà gagné. Tiens vous en pensez quoi vous ça? À ce moment-là on s'en fout. Ouais totalement. Ouais mais là maintenant. Non mais on est d'accord avec lui sur le principe que vu que les bugs sont pas dans l'ombre monde théoriquement mais après avec ce que t'apprends plus tard moi je me pose des questions sur savoir si les bugs sont pas quand même déterminés et est-ce qu'il y aurait pas voilà tu vois est-ce que le déterminisme dont on parle en vrai c'est du pipeau quoi. Donc Solipsis nous parle de combat contre le déterminisme depuis le début, tu vois, on nous parle de ça, on nous dit voilà, on a gagné le combat contre le déterminisme parce que maintenant on a prouvé que le monde est indéterminé. Maintenant, je me dis c'est pas aussi simple que ça, je pense que c'est pas fini quoi. Mais non, on sait que c'est une boucle quoi. Une boucle. Ouais, quelque chose se répète. Tu crois? Ouais. Mmh. Ouais, mais... c'est plus ou moins ce qu'on essaye d'apprendre dans le néant. Ouais. Bon, on y viendra. Oui, c'est pour ça, je t'ai le pack. Ouais, mais voilà, à ce moment-là, vraiment, le combat idéologique. Ouais, non, mais Gladius est mort, Philandfinger vient d'apparaître, on en a rien à foutre du combat idéologique. Ouais. Bah, le combat là, c'est ils nous ont donné rendez-vous dans un an, ou je sais plus. À Berlin. À Berlin. Ah, oui. C'est ça. Et on va aller à Berlin. Ouais, parce que les quadrillas vont se barrer, c'est ça qu'ils nous disent en fait, Aqua City. Je crois que c'est 6 mois qu'ils nous donnent avant Berlin. Ça marche selon les calendriers des tables. Ouais. Ouais. Mais ils nous disent rendez-vous à Berlin quoi. Ah bah t'inquiète mon coco, on y sera à Berlin. Plutôt deux fois qu'une. Et cette fois, Météor, je ferai pas la causette avec toi. Ah non, mais assez violent. Alors du coup, après ce conseil assez mouvementé Trevor, encore plus déprimé qu'avant, retourne se pinter la gueule bien comme il faut, ah ouais, et déprimé dans son coin. Ah ouais, je me peintais, et j'allais dans l'ombre monde pour me remettre, et puis je me repeintais, et puis... Et c'était moi... pas, c'était pas une bonne période. Parce que c'était le moment où tu commençais à devenir... Ouais, j'étais pas bien, quoi. Tu commençais à devenir quatrième, et ouais, du coup, tu pouvais commencer à utiliser tes pouvoirs pour te... Bah, je crois que c'est comme ça que je me suis retrouvé à voler, de toute façon... Hein, puis on a compris aussi que du coup c'était comme ça que j'avais couru en partant de Yume. Que... Ouais, non, c'était une mauvaise période. T'avais commencé à consulter Maria en plus. Ouais, bah je faisais des cauchemars, j'étais super mal. Enfin. Maria disait qu'elle voyait pas du tout ce que c'était. Et puis plus ça allait, plus j'étais mal, quoi. Alors du coup. Et du coup, moi après le conseil, je rentre chez moi. Et en rentrant chez moi, il y a un petit mot sur ma porte. Genre, rejoins-moi à la forêt, il faut que je te parle. Signé Marissa. Donc moi, bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je me pointe à la forêt, quoi, normal. Ouais. Et là, il y a Marissa qui m'attend en plein milieu de la forêt et tout, qui commence à me parler. Elle me demande comment ça va pour Trevor, qu'elle est désolée pour Gladius. Et tu vois, c'est énorme parce que cette polysémie de la phrase, je suis désolé pour Gladius. Enfin. Ouais. Du coup, ouais. Ah, mais à ce moment-là, tu vois. On discute vite fait et elle me fait faut que je te dise un truc et tout. Tu vois, elle a pas le temps de finir sa phrase. Moi, je suis suspendu à ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et là, j'entends une voix qui vient derrière moi qui fait bah, sauveuse, qu'est-ce que tu fais là encore? Et là, je me retourne et c'est Météor. Et là, du coup, Météor qui fait ouais, sauveuse, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai encore dit qu'il fallait pas traîner ici. L'éveillé va le savoir et tout. Alors là, je m'entends vers Marissa. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, et Météor qui a bien mis les pieds dans le plat, tu vois, et qui fait bon, bah j'y vais, j'espère que tu vas pas tarder. Et là, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout? Qu'est-ce qu'il dit là? Et là, elle fait donc t'es une quadrilla et tout. Donc elle te confirme. Elle me fait ouais et tout. Je fais mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ça explique ça et ça. Je fais bah pour. D'un seul coup, t'as tout qui te revient. Pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu fais pas l'amour? Elle me fait non mais. Et elle me fait comme ça, bah comment tu voulais que je te le dise? On te surnomme le tueur de quadrilla et tout. Comment je pouvais pas savoir comment t'allais réagir et tout. C'était super. C'était trop bien. C'était trop bien et tout. Fait donc. Et là, on passe dans l'ombre monde. Du coup, elle me fait passer dans l'ombre monde avec elle. Donc on se retrouve dans l'eau d'Aqua City. Monte à la surface et tu nous crées une espèce de plateforme, tu vois, elle ouais. Crée une espèce avec un nombre à pouvoir, une espèce de plateforme à la surface de l'eau, ouais. Ouais. Et là elle enlève son armure pour me montrer sa véritable apparence et du c'est coup elle me fait du coup de toute façon c'est impossible notre histoire et tout, dans 6 mois on va devoir s'affronter à Berlin, on pourra plus jamais se revoir après aujourd'hui et tout. Truc trop triste, tu sais, trop déprimant et histoire tout. Qu'il vient de se partir la gueule avec moi. Et du coup, elle était pas du tout, elle ressemblait pas du tout à Marissa. Oui. Marissa était une rousse, assez grande, très sûre d'elle, alors que Sauveuse était une petite blonde, avec des petites ailes atrophiées, je crois, dans le dos. Ouais, j'avais fait un truc comme ça. Ouais. Et pas du tout le même style, hein, beaucoup plus petite que Shaq et tout. Et du coup, avant de partir, je lui dis que ça change rien et tout, qu'on peut peut-être empêcher ça, qu'on se batte et tout. Alors, il a plus envie de tuer les quadrillas. Revirement. Ouais, 180 degrés. Direct. Bim. Ah ouais, mais moi, je me suis pris tout mon comportement dans la tronche d'un seul coup et. Mon épée, c'est décapitation. Oh merde! C'était assez dur là, c'était vraiment très dur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'elle parte, elle me saute dessus pour m'embrasser, tu vois. Et là, à ce moment-là, je claque un nombre de pouvoir et je prends l'apparence de chaque. Parce que du coup, j'ai compris que moi, je l'avais toujours embrassée, mais qu'elle m'avait jamais embrassée. Et du coup. Et du coup, j'avais pris un nombre de pouvoir comme ça. Et toi aussi, changé d'apparence. Ouais, d'apparence comme elle ouais. Le fait. Et comme ça, quelle est la sensation, tu vois, d'embrasser quelqu'un. Tu sais, qu'il y a pas une armure. Pas une armure. Et wow. Du coup, il est fort, il est très fort. Ouais, et après, elle s'en va, et moi je repasse dans le monde réel. Alors, et là, je me dis putain, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille en parler à Trevor et tout, je vais le voir. Et là, je vois Trevor qui est déprimé, tout, il faudrait que je te parle et tout, c'est important. Oh, ça peut attendre. Et je suis allé boire un coup de mon côté, du coup. Du coup, on était tous les deux en train de déprimer sur la fin de partie. Lui, parce qu'il avait perdu Gladius. Moi, qui venais d'apprendre que Marissa, c'était sauveuse. Et là, bon, bah, je vais lui dire comment à Trevor que ma petite amie, c'est une quadrilla et que, sachant qu'ils ont tué son père. Et du coup, je demande aussi à Météor pourquoi ils ont tué Gladius, que c'est des enfoirés, machin. Ouais. Il me dit qu'il était pas là pour ça, que c'est pas ce qu'il voulait faire, que c'est une erreur. À la limite, il demande pardon, quoi. Il ne va pas jusqu'à demander pardon. Il dit que... C'était pas voulu. C'était pas voulu, qu'ils étaient pas venus pour ça. Alors du coup, on se tâte, moi je me suis tâté, est-ce qu'ils étaient venus pour Philandfinger? Est-ce qu'ils savaient que Philandfinger était là? Ou est-ce qu'ils étaient venus... toi tu nous as plus ou moins dit qu'ils étaient venus pour Wilfried, en fait. Juste petite coupure dans le moment tragique, je viens de perdre au jeu. Pour... Hein, de quoi? Je vous expliquerai après le podcast. Ce que c'est. D'accord. Mais c'était... ouais, on s'est retrouvés chacun de notre côté en train de déprimer. Et je crois que ça a été la fin du scénar. Ouais, je crois que je me suis arrêté là comme un vieux faquin, un vieux chafouin. Mais après, tu nous as dit plus tard qu'il y avait une cutscene que t'aurais pu rajouter à Aqua City. Ah, c'est... Comme quoi, Philandfinger, il avait rendu visite à quelqu'un après le conseil. Ah oui, qu'il est allé voir Viggo Nemeo. Ouais. Pour lui faire un petit coucou. Oui, parce que ça, on en a parlé avec Jeff, parce qu'on disait, ouais, mais du coup, Viggo Nemeo, on sait toujours pas ce qu'il est devenu et tout. Oui. Ça se trouve, si je cherche dans les rapports et tout, je pourrais peut-être savoir s'il est encore en vie et tout. Et là, il me fait. Parce que toi, avec ton but, c'était dans Cosmo de retourner voir Viggo Nemeo. Non, pas forcément de retourner le voir, mais si jamais il y a. D'avoir un plan B. Si jamais on devait vraiment que ça tourne mal, ça va avoir, tu sais, ses recherches ou des trucs comme ça, récupérer des trucs de lui. Mais du coup. Tu nous as dit tu m'as dit en privé, ouais, en vrai, voilà, Viggo Nemeo, il y a Philandfinger qui est passé le voir après la bataille d'Aqua City, il était colère, il venait de perdre son fils et tout, voilà. Mais tu m'as pas dit ce qui s'est passé, mais. Tu lui es donc en plein la gueule au conseil, il fallait bien qu'il passe les nerfs. c'était assez drôle. Mais bon, voilà, c'était la fin d'Aqua City. Qu'est-ce que. Ah ouais, non, mais c'était. Super bon souvenir, ça. Vraiment, ouais, non, mais émotionnellement, c'est des passages là. Super durs. Et toi, pourtant, ouais, vas-y, Rafi. Non, mais en plus, j'allais te faire un compliment parce que du coup, je tiens à dire qu'on a AMJ quand même super balèze parce que, avec les musiques et les façons dont la façon dont il joue les personnages et tout, il a vraiment à nous faire vivre les scènes. Et du coup, à chaque fois, on prend trop cher, quoi. Moi, plus d'une fois, Jay a failli me faire pleurer, hein. Je l'ai dit, quoi. Non, mais t'es trop doué en plus parce que. Non, mais arrêtez. Non, mais regarde, moi depuis le début, non. J'étais en train de me dire, je veux me faire un gros bourrin qui va aller à la baston, tout ça, et là une calceuse. Et merde. Non, mais il est doué. Non, mais. Bon, après, parce qu'on est bon aussi, on est bons joueurs, hein, c'est pour ça, faut le dire aussi. Mais bon, on est meilleur que le. Ouais, on l'a dit dans le dernier podcast, on est meilleur que le MJ. Ouais, on a réussi à le battre alors. Bande de branlés. Ça nous tous en forme une belle équipe. Je voulais une autre brosse, je crois que la première elle est usée là. Ouais. Bon, par contre, pour finir ce petit podcast, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu quand même de Gladius. Parce que vu qu'on le reverra plus dans la suite. C'est que tu me disais en préparation du podcast qu'on finisse une petite conclusion. Sur Gladius pour dire le perso. Minute de silence pour Charlie II, Gladius World. C'est héros. Ce héros. Ouais, des héros, quoi. Parce que si ça a été si dur, tu vois, de perdre Gladius, c'est parce qu'il était quand même très important à notre table, quoi. Alors, c'était. Très important pour, bah, en fait, plus on va avancer, et bah, même s'il est mort, plus il va m'inspirer des choses, Gladius. Ça, pour moi, ça a été limite le général parfait, tu vois. Il était compréhensif, patient. C'est clair. Moi, franchement, c'était pour moi, c'était trop triste. C'était le mec qui pouvait emmener la résistance au bout, tu vois. C'était vraiment. On y croyait tout ça. Pour moi, c'était. Ça avait beau être un humain, bah, il était au-dessus de ça pour nous, franchement. Ah ouais, moi, deux fois, hein, sur mes deux tables, Gladius, on l'a tellement vu comme un héros, deux fois de suite. Il était proche de nous, il savait donner le conseil, il savait réprimander, il était juste et tout. Il c'était ça, et, c'était un guerrier, c'était. Il était la combinaison parfaite, en plus, du coup, de ce qu'était Philandfinger et Solipsis. Il laissait le choix au bug, il savait être dur quand il fallait, il avait pas peur d'aller au combat, c'était... C'est Godric, quoi. Comment ça, Godric? C'est celui dont on déplore la mort trop tôt, quoi. Ouais. Bah ouais, moi j'étais vraiment... Le spoiler. Mais ouais, non, mais la mort de Gladius, c'est vraiment quelque chose de très très dur à vivre dans Renaissance, moi je trouve, quoi. Parce qu'en plus, hein, Enfin, faut le dire, à ce moment-là, on est quand même en pleine phase où est-ce qu'on vient de se faire un quadrilla, on s'est déjà fait un ou deux quadrillas, on a eu Ozymandias, on a découvert les fragiles, on est trop en forme et tout, tout nous réussit, là, boum. Ouais, c'est... C'est ce qu'on disait. L'échec, quoi. C'est ce que moi, Maxime et Morgan, on disait à Romaric dans le podcast sur Sauveuse et Météore. On lui disait que pour nous, la mort de Gladius sonne vraiment le glas de l'ascension fulgurante et sensationnelle vers les étoiles, comme dirait Romaric, des bugs. Et que vraiment, là, la tragédie commence. On a mis un pied dans Sens Mort, clairement, quoi. On commence à perdre des trucs. Des gens, des Ewoks, peu importe, non, mais on commence à prendre vraiment trop cher dans nos faces, quoi. C'est... T'as dit des Ewoks, j'ai pas rêvé. Non, j'ai entendu ça. On perd des gens, des Ewoks, c'est pas grave. Je te jure, j'ai entendu ça, pardon. Non, mais vraiment, on commence à ressentir les effets de la guerre, quoi. C'est ça, hein, parce que d'habitude, on y va, on gagne, donc c'est facile quand on gagne, quoi. Mais oui, puis c'est des escarmouches où vous partez en petit groupe, vous défouraillez tout. Et là, on arrive et des quadrillas arrivent à Aqua City. Déjà pour commencer, alors que nous on savait pas que ça existait il y a encore une semaine, quoi. Et ils tuent Gladius, quoi. Ouais, là, d'un coup, les quadrillas, ils prennent un avantage monumental, quoi. Et c'est en plus, ça dépareille bien avec le scénario 99, parce que tu vois, le scénario 99, on se dit, on est puissant, on a réussi à se les faire un contre un, tu vois. Là, on se sent vraiment super balèze. Et en fait, on se dit, bah là, on s'est tapé la riposte, quoi. Ouais. On se dit, on s'est repris, ils nous ont renvoyé la riposte et ils nous ont mis 2000 fois plus cher que ce qu'on leur a mis, quoi. Et là, ça va juste pas être possible, quoi. Berlin, ça va être la belle et on va faire ça bien, quoi. Là, on est parti. Quand tu vas avec, là, après Aqua City. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on se demande qui va nous conduire à Berlin, quoi. Parce qu'à ce moment-là, nous, on croit absolument pas à Finfinger. On est bien d'accord, hein, parce que pour nous, il est totalement responsable de ce qui vient de se passer. Enfin, en partie responsable, parce qu'il aurait pu faire quelque chose. Et moi, je le pense toujours, à l'heure actuelle, qu'il aurait pu faire quelque chose, cet enfoiré. Et mais du coup, celui qui nous menait, qui nous a toujours menés depuis qu'on est tout gosse, hein. Mais il est plus là. Oh, c'était beau. Faut vous tirer le petit doigt là, les gars. On l'a fait mentalement. Dans ma tête, il y avait un. C'était parti. C'est vraiment d'un coup, on a vraiment plus personne pour nous guider. Vraiment, le papa des bugs. Ouais, mais tu vois, en plus, c'est ça, c'est que Gladius, même quand tu perds pied, il est là, lui, tu vois, il arrive à garder pied, il reste droit, digne, il sait que, bah, la guerre, c'est dur, il la connaît, et là, il, tu vois, tu te dis, bah, maintenant, je vais faire ça avec qui, quoi. Tu t'aimais bien aller le voir. Vous retrouviez vraiment un côté paternel chez Gladius? Ouais. Bah déjà sur la première table, parce que là bon c'est facile sur la deuxième, parce que du coup en fils adoptif, voilà. Oui. Mais sur la première table déjà on avait ce sentiment là aussi. Hein. Et c'est pour ça, hein, que quand on est arrivé au conseil, nous ce qu'on a mis sur la table avec, avec Tom, ce qu'on a mis dans Final Figure, c'est rien comparé à ce qui s'est passé sur la première. Hein. Oui, vous aviez... Sur la première, Final Figure il s'est pointé, ça a été fini, quoi. Ça a été la guerre dans le conseil, quoi. C'est Romaric qui m'a donné l'idée des bébés. Bah comme ça il a l'air plus piteux, c'est vrai qu'on l'a pris, on le prend moins mal, quoi. La première fois il est arrivé en pleine forme, c'était... Et toi, Tom, paternel de... Si, oui, soir. Oui, non, mais parce que, par exemple, quand j'ai tué Akina, il me l'a jamais reproché, il y a des trucs, tu vois, qu'on s'est expliqué... Il t'a dit quand même, c'est pas bien. Oui, non, mais je veux pas dire, bien. Tu vois, il te remet, il essaye de te mettre sur la bonne voie tout le long, il voulait au début, par exemple, que ce soit moi qui prenne la relève de l'équipe en tant que chef d'équipe. Moi, j'étais pas pour, je voulais pas, ça me branchait pas. Il essaye, tu vois, de donner des responsabilités, de te faire sentir important, qu'il faut que tu arrives à... Lui, il a, tu vois, il y en a qui pensent que, voilà, il y a les bugs qui sont là pour sauver le monde, et il y a les autres, toi. Et les autres, bah, c'est pas très grave. Mais lui, il est là pour faire... Il fait le lien entre les bugs et les humains. C'est très important, ça. Je trouve, parce que c'est l'humain, mais comme on dit, il est tellement proche des bugs qu'il fait bien ce lien et qui fait que les bugs, ils oublient pas que... Des humains aussi, quoi, les bugs. Voilà. Je pense que moi, mon bug... Il se sent très proche des humains, et pour lui, il a juste un talent particulier, tu vois. Ouais, carrément. C'est en partie à cause de Gladius, parce que si on avait été érigé en héros de la nation, à qui on sait tout, ce serait pas passé pareil. C'est vrai que Gladius a un côté très Bah c'est, j'ai envie de dire, c'est la caricature du bon flic américain, quoi. C'est protéger et servir, quoi. C'est ça. Vraiment, carrément. Sans distinction. Et avec Sleepy en plus à ses côtés. D'ailleurs, c'est même assez dingue ce que j'étais en train de me dire pendant que tu parlais, Tom, mais Gladius, il a connu Soren, quoi, pendant 20 ans, enfin un truc 15-20 ans, enfin le temps que ça se passe au pôle sud. Voilà, il a connu Finlongfinger, il a grandi avec, mais Sleepy, il la découvre. Oui, donc il savait même pas que c'était sa mère adoptive, du coup, aussi, théoriquement. Je sais plus, il y en a quelques-uns qui étaient au courant, je sais plus si lui il en faisait pas partie. Il me semble que si. Si. Il me semble qu'il était au courant déjà que Wilfried était plus ou moins son demi-frère. Si, ça par contre, c'est plus ou moins ça, c'est plus ou moins dit parce que. Ouais, il a plus ou moins, tu sais. Quand on enquête sur Wilfried, il y a Gladius et Maria qui le couvrent. Donc il était au courant. Donc, ouais, non, c'est vraiment. Et il essaye, tu sais, il essaye aussi, quand toi, ta relation avec Solipsy, c'est pas forcément au beau fixe, il essaye de te faire comprendre qu'elle a ses raisons aussi, que. En tant que dirigeant de la résistance, c'est là où je voulais en venir. Pour quelqu'un qui la connaît depuis moins de 20 ans, Gladius est un meilleur binôme avec Solipsis que Finlongfinger, je trouve. Ouais. Oui, mais curieusement, après, enfin. Après, on voit pas beaucoup le binôme Finlongfinger-Solipsis. Oh, quand même! Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça va vite, parce que du coup on se retrouve vite à devoir partir pour Berlin et tout, enfin on est en préparation pour ça. Tu penses que ça pourrait être intéressant de caler des interscénaires à ce moment-là pour plus montrer. Peut-être, ça va. Plus montrer le binôme Solipsis-Finlongfinger. Parce que moi, franchement, j'ai pas vraiment le souvenir de leur binôme. Quoi. Tu vois, parce que voilà, quand on arrive. Parce qu'en fait, là, ça devient un vrai binôme très différencié. Il y a vraiment tout le côté, du coup, paternel de Gladius qui est passé au côté maternel de Solipsis qui a révélé être une femme. Et Finlongfinger qui prend tout le côté le père fouettard, je suis le daron qui met des coups de ceinture, j'exagère un peu, ouais. Mais c'est qu'en plus, il n'y a pas cette relation entre Solipsis et Gladius, dominant-dominé, qui peut y avoir entre Solipsis et Finlongfinger. Ouais. Ah bon? Bah, pardon, je troll. Non, mais voilà. Mais j'ai envie de poser la question quand même. C'est ça. C'est que Gladius, il fait la part des choses avec Solipsis, tu vois. Il dit pas amen à tout. Même s'il est d'accord avec, il prévoit d'autres solutions, il sait que ça va pas se passer comme ça, quoi. Ou en tout cas, même s'il dit amen à tout, ce qu'elle pense, il le laisse pas montrer. Il le montre pas. Ça transparaît pas chez Gladius. Ah non, d'accord, j'avais compris le contraire de ce que tu voulais dire. D'accord, oui, bah oui, effectivement. Alors que tu sais très bien que, voilà, Finlongfinger est éperdument amoureux de Solipsis. Il est dominé. Hein. Voilà, qu'elle lui dit un truc, bah il va le faire, et puis c'est tout, quoi. C'est ça, en fait, chez Gladius, que tu retrouves pas chez... C'est pas le petit toutou de Solipsis. Il a eu une enfance moins difficile que Finlongfinger. Mais bon, aussi, on y viendra plus tard. Mais voilà. On a dépassé l'heure d'enregistrement. Bah, je pense qu'on est plutôt au bout, ouais, on a plutôt bien. Ouais, c'est, on a fait un bel hommage à Gladius. Ouais. Et du coup, donc le prochain podcast, c'est la fin de Renaissance. Ouais. Avec deux scénars. Ouais. Ça va être épique. Là, on vous promet de la bataille, quoi. Il va y avoir de l'amour, de la guerre, de la trahison, des coups en traître et tout. Ouais. Ouais, ça va être très intéressant. Bon. C'est vrai que j'ai bien hâte d'enregistrer ça. Puis j'ai bien hâte aussi de commencer à enregistrer les podcasts sur Sens Mort, parce que ça va être très Moi, je vais aimer Sens Mort. Moi, beaucoup moins, mais bon. On t'entendra peut-être moins comme ça. Grave. Bon, dans l'ensemble, c'est pas grave. J'ai cru comprendre que les gens t'appréciaient plutôt bien. C'est cool. Non, puis, mais en même temps, il faut savoir que si Tom parle beaucoup, c'est pas parce qu'il prend beaucoup la parole, c'est parce qu'il se rappelle mieux des parties que moi et Rafi. Hein. Il a une mémoire bionique, de toute façon. Des gens qui n'est pas en métallite. Prends un couteau, Rafi. Vas-y. Bon, salut tout le monde. À bientôt. À bientôt. Salut. Sors le couteau quand même.